autour de moi je vois trop de singes savants, bien propres et bien rasés bien souvent. De la tête aux pieds, parfumés pour rassurer les âmes d'hommes insouciants. Ils croient que je suis pas au courant, qu'ils me matent et m'observent, rêve de me passer un savon. Ça va, je me sens pas si ça ni sauvage, ni animal, je pas de leur cerveau sous vide. Leurs expériences douteuses qu'ils se contentent de les faire aux souris. Je suis pas un blaireau soumis, leurs élixirs de jouvence d'ici flairent le croupi. Mauvais délire du coup je pense, mettre aux oubliettes les kilomètres de bouse inerte que déversent leurs jolies têtes. Allez-y, traitez-moi de paranoïaque. Ils nous parquent, malades ou pas, dans des droites parois opaques. Planète de gros macaques, trop d'arnaques, sale monnaie de singe, mes bottes de cash. Qu'ils amusent la galerie, moi je reste de glace. Car quand les rideaux s'abattent, les oripos se fracassent en dominant macabre. Ils singent la police et ses piles poils, ce qu'il faut savoir. Dans la planète des singes, trop de singes savants. Planète de monkey, que de fonzi, qui ne font que ce qu'ils veulent. Qui dit ri, je tout qui ne pense qu'à leur que Louis Titi. Je suis, je veux foutre le camp d'ici, mais où situe le vice qui tue nos fils d'ici bas et d'ailleurs. Je suis déjà en train de suivre les macaques qui sautent de liane en liane quand craque l'une d'elles casse. Me voilà éloigné de la masse, c'est la première fois pour moi que je vois tout ça d'un regard extérieur. Je n'ai peut-être pas le meilleur, mais leur comportement fait peur au rang. Autant à la tête de l'OTAN, ce n'est pas au vieux clown qu'on apprend à faire les grimaces. Et pourtant depuis tout ce temps, ils devraient tous se taire, mais ils sont tous si fiers. Je veux qu'ils s'étouffent à terme avec leur terminologie. Toutes ces verminologies éculées, enculées, leurs idées trop incubées. Trop de singes savants. Bienvenue dans la planète des singes, boulet au pied, on taffe tous à la chaîne. Si tu te rebiffes, ils en prennent un au pif, ils finissent à la chaise. Allez, bâtard, tiens les bâtons, les yeux baissés, une tombe, je creuse. Mais dans le cortège, reste un battant, je vais les baiser, en v'là la preuve. Ça fait deux mois, je cours 6 cheetahs. En scred, elle me ramène des gitanes, je me la fais, wesh, c'est mais c'est inné. Vita, 3h du mat, j'entends ronfler. Enfin, putain, arrive mon moment clé, tu vas me manquer, mais non, je préfère ma liberté, c'est parti. J'esquivera des poils, des gargouilles. En plein débat, je crois même qu'ils se tapent des barres sur le bout de leur gargouille. Je suis barbouillé, limitière sud, mais on s'en fout tout ça. Je suis dans l'excite, l'excitation palpite et puis je vérifie ça. La preuve.